Cher Emmanuel, bonjour. Nous, on s'est déjà dit bonjour et souhaité une bonne année aux aurores dans les couloirs de France Culture. Alors bonjour à vous qui nous écoutez ce matin en ce premier jour de l'année 2019. L'équipe des Chemins de la Philosophie est avec moi en studio pour vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année que nous commençons sous le signe de l'amour. L'amour écrit par le poète de l'ordinaire et de l'amour fou, celui qui prête sa plume au scénario de Marcel Carnet et dont les poèmes sont lus par les écoliers et chantés par les interprètes du monde entier. Tel Yves Montand, à l'Olympia, qui va inaugurer pour vous cette année avec une chanson de Jacques Prévert, qui, j'espère, vous accompagnera jusqu'en décembre prochain. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire. Face sur le sable, les pas des amants désunis. Bonjour Daniel Gazigli-Alaster. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes écrivaine et co-responsable de l'édition des œuvres complètes de Jacques Prévert dans la bibliothèque de la Pléiade, chez Gallimard. Donc bonne année à vous. Bonne année. Et bonjour Eugénie Bachelot-Prévert. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonne année à vous. Cette chanson qu'on vient d'entendre, vous la connaissez par cœur, non ? Oui, mais je me souvenais plus de cette version où justement il est très, très délicat, presque un peu essoufflé ou qui est différente. Cette chanson s'appelle « Les feuilles mortes ». Elle a été écrite par Jacques Prévert, qui est votre grand-père. Oui. Vous êtes sa petite fille donc et vous occupez de l'œuvre de Jacques Prévert aujourd'hui. L'œuvre qui est encore très vivante, cette chanson, on l'entend beaucoup, elle est chantée énormément dans tous les pays du monde quasiment. Oui, les chansons en fait vivent toutes seules, puisque c'est le principe de la chanson de la SACEM. Après, les films aussi, mais après, les textes, le théâtre, tout ça, on me demande ce que j'en pense en tant qu'ayant droit. Ouais. Donc c'est pas toujours facile. Mais c'est un travail énorme, parce que oui, ce que je veux dire, c'est que cette œuvre, elle est encore aujourd'hui beaucoup, oui, bah, beaucoup c'est un travail énorme, parce que c'est de sortir le Jacques Prévert de l'école, puisqu'il était vraiment très cantonné, donc ouvrir, justement, montrer toute la complexité de l'œuvre, parce que la chanson qu'on a écoutée, Les Feuilles Mortes, est dans Les Portes de la Nuit, un autre film... De Marcel Carnet. Donc Démons et Merveilles dans Les Visiteurs du Soir, dont on va etc. Dont on va parler. Donc c'est tout est très mélangé. Enfin, c'est une. On retrouve même les collages, les mêmes thématiques, et c'est effectivement une œuvre gigantesque. J'ai qualifié Jacques Prévert de poète de l'amour et de l'ordinaire. Est-ce que ça lui va ? De l'ordinaire, parce qu'il est rentré comme le poète des Français. Parce qu'il a il arrive à mettre de la poésie dans un langage qu'on qualifierait de langage ordinaire, dans des mots très simples, et il écrit des choses sublimes avec des mots. Oui, très des simples. Choses très complexes, avec des sentiments qui sont différents de la colère, la joie. Il y a toute une palette immense, et dit aussi avec aussi beaucoup d'humour. Et beaucoup d'amour. Oui. Qu'on retrouve dans tous ses poèmes et dans ses films. C'est un film d'amour dont on va parler aujourd'hui. Les Visiteurs du Soir, qui sort pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1942. Alors, disons-le tout de suite, c'est un film qui partage les spectateurs. En deux camps très distincts. Il y a ceux qui l'adorent et qui le tiennent pour un des plus beaux films sur l'amour, justement, sur l'amour fou. Et ceux qui ne sont jamais parvenus à le regarder jusqu'à la fin. Daniel Gaziglia-Laster, si vous avez proposé de parler de ce film, parce que c'est lorsqu'on vous a invité, vous avez proposer de parler de ce film en particulier, c'est que vous appartenez à la première famille, enfin j'espère. Bien sûr, j'adore ce film, je trouve qu'il est magnifique, il est magique. Je ne comprends pas qu'on puisse le trouver lent, on est dans une atmosphère d'onirisme, de merveilleux. Ce n'est pas de la lenteur, moi je l'ai vu au moins 10 fois et à chaque fois je le regarde avec autant d'intérêt. Et puis les images sont si belles, je dois dire que Carnet a fait tout de même un très très beau travail. Il a voulu s'inspirer des riches heures du duc de Berry. Donc on a souvent des plans larges, qui sont presque de la peinture. Et puis les dialogues de Prévert sont géniaux, je trouve. On a parmi les plus beaux dialogues du cinéma. Oui, c'est un des plus beaux films du cinéma français. Ce qui m'amuse, c'est que les gens qui, comme vous, font partie de cette famille qui adorait ce film, vous ne voyez même pas ce qu'on peut dire quand on dit « mais c'est un film trop lent ». C'est que pour vous, la question ne se pose même pas. Non, pour moi, la question ne se pose même pas. je ne trouve pas qu'il y ait de la lenteur dans ce film. Je trouve que chaque image est très prenante, très belle. C'est très poétique aussi. La conjonction de la poésie de l'image de Carnet et du texte de Prévert est complètement en harmonie. C'est très réussi. Et c'est un univers, on peut dire fantastique, le terme s'y applique. En tout cas, il est revendiqué par Marcel Carnet lui-même. Je vous propose qu'on l'écoute. C'est en 1943. Il explique comment la Seconde Guerre mondiale est en train de changer la manière de faire du cinéma et comment lui-même en vient à vouloir se détourner du réalisme pour aller vers le fantastique. J'ai cru comprendre dès les premiers mois qui suivirent l'armistice qu'une forme du cinéma d'avant-guerre était morte, le film dit d'atmosphère réaliste. L'avenir me semblait appartenir au contraire à ceux qui, fuyant la réalité quotidienne, iraient chercher refuge dans un domaine irréel et poétique, fantastique ou merveilleux. De là les visiteurs qui, je l'avoue, tranchent assez sensiblement sur ce que j'avais pu faire auparavant. Force m'est d'avouer que les visiteurs posent un problème, celui de savoir si le public est sensible à la recherche et à l'inédit, ou s'il se confine dans une sorte de routine qui ne lui demande aucun effort de compréhension et d'imagination. Car en réalisant Les Visiteurs, je me suis efforcé de retrouver une sorte de langage plastique qu'on avait peut-être un peu trop oublié depuis quelques mois. Et toi, mon brave homme, pensez-vous que le seigneur de ces lieux puisse faire bon accueil à deux ménestrels venus de très loin pour les distraire ? Je le crois. J'ajouterais même que vous tombez à merveille. Le baron Hugues adore la musique. Et nous marions bientôt demoiselle Anne avec le chevalier Renaud. Depuis les fiançailles, les fêtes succèdent aux fêtes. Et quand il y a des fêtes, on n'a guère besoin de mes services. Alors je pêche pour passer le temps. Merci, brave homme. Merci plutôt à vous, mes beaux enfants. Merci de m'avoir appelé brave homme. On a beau dire, ça fait plaisir tout de même. Seigneur, gentil Seigneur, quelle tristesse est dans mon cœur. Une bête qui ne faisait rien à personne, une bête qui avait fait rire tous les gens du château. Il traversait tranquillement la cour, les gardes l'ont tué avec une flèche pour s'amuser. Les voilà tous qui me restent de lui. À quoi bon, Gilles ? Ça m'amuse tout de même de faire le bien de temps en temps. À quoi bon, Gilles ? Mmh. Et nous voilà plongés dans l'ambiance des visiteurs du soir. Gilles et Dominique sont deux suppôts du diable, envoyés par le diable sous forme de ménestrels pour venir semer le malheur et la destruction sur la terre en l'an de grâce 1485. Et dès la première scène du film, on entend ces dialogues. Alors, on voit vraiment qu'on est entre le Moyen-Âge et la Renaissance, des dialogues très châtiés, l'amour sera courtois. Eh bien, une scène fantastique a lieu puisque l'homme qui va s'adresser à Gilles et Dominique se plaint de la disparition de son ours que Gilles va faire réapparaître à l'image. Le cinéma est bien commode pour faire réapparaître ce qui a disparu. Et pour toute explication, Gilles dit oui, ça m'amuse quand même de faire le bien de temps en temps. Comme si ici, tout de suite, il coupait court au caractère tragique et solennel de la tonalité du film. Oui, et je voudrais revenir sur le fantastique, justement. Vous avez dit que Jacques Prévert était le poète de l'ordinaire, mais c'est aussi le poète de l'extraordinaire. Il ne faut pas oublier qu'il a appartenu au groupe surréaliste de 1925 à 1930, et tous ses textes sont imprégnés de surréalisme. C'est-à-dire que, quelquefois, dans un texte très réaliste, comme par exemple La crosse en l'air, qui est très lié à l'actualité de l'époque, de 1936, apparaissent un oiseau et un chat merveilleux qui vont se mêler aux autres personnages. Et ça, on a très souvent ça aussi chez Prévert. Il aime le merveilleux, il aime le fantastique. Donc je crois que cet amour du merveilleux et du fantastique de Carnet a vraiment rejoint aussi quelque chose qui était très profond chez Jacques Prévert. Est-ce que cette scène et ce début de film représentent bien cet amour du fantastique pour Prévert ? Oui, du fantastique, et je pense qu'il y a quelque chose entre les deux qui se mêle, parce que dans tout ce film, c'est des trucs que Carnet, du coup, a trouvé, comment exprimer le merveilleux. Donc là, effectivement, hop, deux mouvements de caméra, et on voit apparaître l'ours, et tout le film, tout ce qu'on va aborder, les ralentis, tout ça arrive, et là, il y a vraiment quelque chose entre les deux, une adéquation, et ce passage... Moi, je le trouve, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment un souvenir d'enfance. Cette première scène? Oui, puisque c'est vraiment le « À quoi bon, Gilles » d'Arletty, et qui est vraiment, il y a une chose qui sera de tout le film, de ce personnage d'Arletty qui est sans concession, qui est, enfin, on n'a jamais vu une femme comme ça au cinéma, qui est vraiment ironique, qui est déguisée en homme au début du film. Qui Arletty est comme... contre-employé, oui, déguisé en homme. Qui contre-employé, mais qui se faisait appeler dans les milieux parisiens Monsieur le Duc, je crois. Donc, en même temps, c'est quelque chose qui lui allait aussi. Et pourquoi cette scène, c'est comme un souvenir d'enfance? C'est le « À quoi bon, Gilles » qui vous a marqué ? Non, oui, puisque quand je regardais avec ma grand-mère et un ami de ma grand-mère, c'était à chaque fois, il s'arrêtait, il rigolait au « À quoi bon, Gilles ?» Et moi, au début, je comprenais pas, mais parce que la bête réapparaît, et c'était « À quoi bon faire le mal ?» le bien, pourquoi faire le bien ? Puisqu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dérision. Et dans ce film, il y a plein de lectures et de... sur l'amour, mais des choses très, très caustiques et... Ah, mais c'est absolument sans concession sur le sentiment amoureux. Alors, peut-être qu'on peut comprendre aussi ce recours au conte, c'est un conte, et au surnaturel, comme le disait Carnet, parce que la Seconde Guerre mondiale change les attentes des spectateurs, mais aussi parce que, de manière très pragmatique, il doit faire face à la censure. Et donc, c'est une bonne manière de parler de certaines choses en ayant l'air de ne pas en parler, Daniel Gaisiglia-Laster. Ah ben, il est évident que le recours au Moyen-Âge permet de dire plein de choses sans en avoir l'air. Et ça a été réussi puisque la presse a été plutôt favorable au film, la presse collaboratrice, a commencé par Lucien Rebatté, qui avait dit beaucoup de mal des films précédents de Prévert et Carnet, et qui dit « là, enfin, ils sortent de leur film boueux », c'est-à-dire de leur film réaliste. Et comme Rebatté, à l'époque, est un petit peu un oracle pour tout ce qui est collaboration, les autres suivent. Et je crois que c'est très malin de la part de Rebatté. Il récupère un film parce qu'on était dans une époque où la plupart des films étaient vraiment des navets, étaient atroces, ça faisait l'apologie du nazisme, de la collaboration, donc c'était très très mauvais. Et là, on se retrouve avec un joyau. Donc il faut récupérer ce joyau au profit du pouvoir. Mais bien entendu, le film dit tout le contraire de ce que prône le pouvoir. Et certains critiques tout de même s'en sont aperçus, notamment celui de la Côte catholique, qui dit « mais il n'y a pas de Dieu dans ce film, il n'y a pas de croix ». Et puis c'est l'apologie de la sensualité, qui ne comprend pas trop pourquoi ses collègues sont enthousiastes. Oui, et d'ailleurs les collègues sont unanimes. J'ai sous les yeux 5 critiques qui s'expriment au moment de la sortie du film, et les critiques sont dithyrambiques. André Bazin dit « on a tout de suite compris que c'est un film qui marquerait une date, le début d'une influence, l'origine d'un style. C'est un poème en Languedoc qui n'a pas besoin de l'équivoque de l'ombre pour élaborer ses maléfices. » Ici, on montre bien, en fait, ce film est à regarder. Il y a deux niveaux de lecture en permanence. Il y a le premier degré, effectivement, de ces gens médiévaux qui célèbrent un mariage dans le château. Et en fait, vous parlez du personnage d'Arletty, notamment Eugénie Bachelot-Prévert. Tout est caustique, tout est à retourner et l'amour se retourne sans cesse contre lui-même. Oui, et puis avec des choses terribles qui sont dites et des sur l'emprisonnement et des questions très fortes sur l'amour, sur l'essence. Est-ce qu'un amour doit être libre? Est-ce qu'il est enfermé? Là, des techniques de séduction. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Mais je dirais que l'amour se retourne pour lui-même, pas contre lui-même, parce que c'est l'amour qui est constamment vainqueur. Enfin, qui va être constamment vainqueur. Et ce qui est complètement irreligieux, je dois dire, c'est que on va assister à la lutte du diable, non pas contre Dieu, mais la lutte du diable contre des amoureux, contre l'amour. Oui, c'est ça, parce que Dieu est absent, ça c'est vrai. Dieu est complètement absent. Qui finit par arriver à la moitié du film. Mais avant lui, alors on va entendre quand même le premier grand extrait de ce film, c'est la scène du bal. Donc Gilles et Dominique ont pénétré dans le château. Là, ils voient une grande salle avec des personnes attablées. Et donc le baron Hugues, qui siège à table à côté de sa fille, qui va se marier à Renaud. Et alors, c'est la scène où tout bascule une nouvelle fois vers le fantastique, puisque vous allez entendre à la fin de l'extrait, parce que tout ça est retranscrit de manière sonore, le son semble se ralentir comme une bobine, une vieille bobine d'enregistrement qu'on ralentirait pour bien signifier que c'est le temps qui se ralentit lui-même. Donc on a d'abord le son qui diminue, le temps qui s'arrête, et ainsi les personnages peuvent se servir des gens qui sont devant eux comme des espèces de mannequins ou d'acteurs. Vous paraissez songeuse, Anne. Êtes-vous triste parce que tout à l'heure, j'ai parlé trop librement d'amour ? Non, mon ami. Je ne vous en veux pas. À quoi songez-vous, Anne ? À rien, mon ami. À qui songez-vous, alors ? Vous ai-je déjà donné l'occasion d'être jaloux ? Fort heureusement, non. Je voulais simplement vous rappeler que bientôt, vous m'appartiendrez tout entière. Vous m'entendez ? Je vous entends, Renaud. Tous vos plaisirs, tous vos désirs, toutes vos peines, si vous en avez, c'est à moi que vous les devrez. Aurais-je au moins le droit de rêver? Le moins possible, Anne, je vous en saurai gré. Les rêves sont choses nuisibles et inutiles. Moi, je ne rêve jamais. L'audace d'avoir fait apparaître ce son dans un film, quand même, il y a quelque chose d'absolument... C'est presque scandaleux, et pourtant ça fonctionne, non ? Comment est-ce qu'il s'est permis ça, Daniel Gatilia-Laster ? Oui, non, mais je crois que ça a été reçu de façon très particulière par les spectateurs de l'époque qui n'ont pas trop compris. Ils ont cru que tout d'un coup l'image se cassait, enfin qu'il y avait un problème technique parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de ce genre de choses. Et vous savez que c'est déjà prévu dans le scénario de Prévert. Prévert prévoit presque tout. Alors, on a beaucoup dit que finalement Carnet n'était qu'un exécutant. Moi, je défends beaucoup Carnet. C'était un merveilleux exécutant, il faisait très très bien ce que Prévert demandait, mais c'est vrai que Prévert a ces trouvailles-là. Et on peut parler peut-être du dialogue. Ce chevalier Renaud concentre à lui tout seul tout ce que détestent Carnet et Prévert, c'est-à-dire il aime la guerre, Il aime la violence, il veut emprisonner complètement celle qui va être sa femme. On se dit, la pauvre, si elle épousait Renaud, qu'est-ce qu'elle deviendrait, hein ? Elle n'a même plus le droit de rêver. Et le rêve, c'est quelque chose qui est très, très important, et pour Prévert et pour Carnet, qui sont, je crois, très marqués par un film de Henri Hathaway, lui-même inspiré par un roman de Georges Dumouriez, Peter Ibbetson. Dans Peter Ibbetson, le jeune premier est emprisonné et la nuit, il fait des rêves et il rejoint sa bien-aimée dans le rêve parce qu'elle fait les mêmes rêves que lui. Et c'est un film qui plaisait beaucoup aux surréalistes, qui plaisait beaucoup donc aussi à Prévert et à Carnet. Et je crois que le film est très inspiré par Peter Ibbetson, cette apologie du rêve et de la force du rêve qui permet tout finalement. Il a raison, Renaud. Si jamais sa fiancée se met à rêver, eh bien elle lui échappera. C'est ça, et c'est une conception absolument terrible de l'amour, ce qu'on entend là, Eugénie Bachelet-Prévert. Oui, c'est... Mais dans les films de Jacques Prévert, même dans d'autres films qu'il n'a pas, parce qu'il n'a pas comme Carnet, ils ont eu une collaboration ensemble et ils ont fait chacun des films de leur côté. Il y a toujours des personnages comme ça qui veulent empêcher l'amour, qui des personnages qui s'aiment. On peut, il y a tout un panthéon même du roi et l'oiseau, de remorques, donc il y a des brumes partout. En fait, c'est toujours l'amour qui est entravé par des personnes qui en fait sont malheureuses et ne s'aiment pas et sont incapables d'aimer. Et qui sont victimes, en fait, je pense, de la société. En fait, je pense que c'est vraiment la difficulté, comment l'amour peut exister au sein de la société des autres. Et c'est comme un amour idéal, un amour, justement, extraordinaire, pour le coup. Donc c'est, Cette dimension tragique de l'amour, elle est vraiment présente dans les films où Prévert collabore avec Carnet, mais aussi dans d'autres textes de Jacques Prévert. Il y a une grande mélancolie aussi d'un amour impossible. Oui, mon grand-père, il a vu deux guerres, il est né en 1900, je pense que la guerre de 14, les luttes, le groupe Octobre, vraiment beaucoup de choses. Donc il a justement une vision assez noire, en fait. Parce que tout ça est très bien dit, avec beaucoup d'amour, beaucoup de... C'est pas un mot, je pense, qu'il aimerait, l'espérance, ce serait peut-être un mot trop catholique, mais avec une dimension, vraiment une puissance où, malgré tout, vraiment l'amour au sens vraiment large, quoi. L'amour de la vie, l'amour de... Malgré la mélancolie, malgré les obstacles, malgré la tristesse. Je pense que c'est peut-être un peu une réalité, en fait, de la société, des entraves, et puis aussi peut-être parce que c'est ça fait des films aussi peut-être plus intéressants aussi, peut-être plus profonds. Mais je crois qu'il croit en la toute Daniel puissance de l'amour. Hein. Il croit que l'amour peut tout vaincre, et il va le dire d'ailleurs dans ce film. L'amour qui est effectivement, comme le disait Eugénie, constamment entravé, constamment menacé la fin de ce film, on ne sait pas si vraiment c'est l'amour qui est victorieux. On regardera pour après. Je crois que oui. D'accord, vous êtes vraiment optimiste alors dans ce cas. On va entendre une belle scène d'amour en tout cas, le baiser à la fontaine. Donc, si on retrouve les personnages, Gilles et Dominique ont donc pour but de semer la pagaille au sein de ce château, de faire en sorte de séduire Anne, donc celle qui s'apprête à épouser Renaud. Anne, quant à elle, va séduire à la fois Renaud, le baron, elle va y parvenir. Mais Gilles va vraiment tomber amoureux d'Anne. Et c'est là que tout bascule, parce que c'est lui-même qui se fait prendre à son propre piège. Il ne devait que la séduire et il tombe fou amoureux d'elle. Écoutez, la première fois où il se retrouve seul, après leur première entrevue lors du bal, ils vont échanger sur la nature de leurs sentiments auprès de la fontaine. Et alors là, vont être prononcés, on est vraiment dans un dialogue à la Prévert par excellence. Écoutez la façon qu'Anne va avoir de mettre des mots sur le sentiment qu'elle ressent. C'est drôle. Rester sans crainte, sans étonnement devant les choses qui surprennent les autres, qui les inquiètent. Pourquoi serais-je inquiète ? La vie tout entière n'est-elle pas remplie de choses inexplicables ? Un oiseau, un fruit, une bête, le soleil, les arbres de ce bois. et nous-mêmes, qui ne savons pas d'où nous venons, où nous allons. N'est-ce pas merveilleux tout cela? Comme cette eau est fraîche. Et comme votre bouche est fraîche, elle aussi. Je vous aime. Gilles. Qu'avez-vous? Je ne sais pas. J'étais si heureuse. Et puis brusquement, j'ai pensé à Renaud. Lui aussi m'a dit « Je vous aime, Anne ». Avec le même regard dur et la même voix qu'il a pour dire « J'aime mes chiens, j'aime la chasse, j'aime tuer tout ce qui vole, tout ce qui court. Je vous aime, Anne, et vous serez à moi pour toujours. Pour toujours. » Mais est-il possible, Gilles, qu'un être puisse appartenir entièrement à un autre être? Certains appellent cela l'amour. Alors, l'amour, c'est comme la mort? On n'existe plus, tout est fini? Pourquoi? Oh, Gilles, puisque vous m'aimez, ne me faites pas souffrir, ne m'enfermez pas. Laissez-moi vivre. Aimez-moi comme je vous aime, simplement. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et nous écoutons et parlons du film Les Visiteurs du Soir. Aujourd'hui, 1er janvier, pour commencer l'année et continuer cette série sur la collaboration entre Marcel Carnet et Jacques Prévert. Aujourd'hui, en compagnie de Danielle Gazilia-Laster et d'Eugénie Bachelot-Prévert, qui est la petite fille de Jacques Prévert. Alors, l'extrait qu'on vient d'entendre, on passe vraiment de l'étonnement naïf du personnage d'Anne qui dit « Oh, une fleur, de l'eau », qui semble complètement, oui, très naïve et très candide, à les réflexions qui sont très puissantes philosophiquement parlant. Est-il possible qu'un être puisse appartenir entièrement à un autre être, dit-elle? Alors, dans ce cas, l'amour, c'est la mort. C'est une vision extrêmement moderne de l'amour féminin et pas du tout représentatif de l'amour courtois tel qu'il était de vigueur à l'époque. Oui, mais Prévert a une vision très moderne de l'amour. Il est pour l'amour libre, la liberté pour la femme et la liberté pour l'homme. Et très souvent, c'est la femme qui revendique cette liberté, aussi bien dans ses textes que dans ses films, cette liberté pour elle et pour les autres. Par exemple, dans Lumière d'été, qui va être tournée peu de temps après, c'est Michel, personnage féminin principal, qui va, elle, libérer un petit grillon enfermé dans une petite boîte et qui va dire « mais il peut pas être heureux s'il est enfermé ». Et ça, c'est vraiment très, très constant chez Jacques Prévert. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ils font l'amour, mais il y a une ellipse. Or, dans le scénario original, c'était beaucoup plus explicite, et tout au long du film, les scènes sensuelles de baisers, d'amour charnel vont être édulcorées. Et, sous l'effet de la censure à l'époque? Alors, moi je pense que c'était pour prévenir la censure. Carnet a dû se méfier, a dû se dire ça ne passera pas si on les voit tous les deux vraiment se livrer à des ébats charnels, ça ne passera pas. Donc, ça a été édulcoré. Mais c'est vrai qu'il y a une apologie aussi de la sensualité et de l'amour charnel chez Prévert. Pour lui, l'amour n'est pas concevable autrement. C'est ça, c'est l'amour fou, ça ne veut pas dire l'amour éthéré qui ne passerait que par le langage, Eugénie Bachelot-Prévert. Non, pas du tout. Et c'est un amour au vrai sens de l'amour libre que prenaient les surréalistes. C'était un amour sans mariage, un amour juste sans jalousie, ou je pense que vraiment le passage de mon grand-père par le surréalisme a été vraiment décisif dans sa vision de voir l'amour, la vie, et a été très très important dans le mouvement surréaliste. En étant un petit peu à côté de la rue Fontaine, la rue du Château était un endroit complètement où ils vivaient en communauté, presque comme des presque hippies, ou et la liberté, ouais, de vraiment de l'individu et de l'amour et la liberté sont d'abord une fête pour Prévert. Écoutez-le lire le poème La Fête, avant de retrouver cette fois-ci le diable en personne qui vient s'immiscer parmi les visiteurs du soir. Dans les grands eaux de ma mère, je suis né en hiver, une nuit de février. Des mois avant, en plein printemps, il y a eu un feu d'artifice entre mes parents. C'était le soleil de la vie, et moi déjà j'étais dedans. Ils m'ont versé le sang dans le corps. C'était le vin d'une source et pas celui d'une cave. Et moi aussi un jour, comme eux, je m'en irai. Anne, mon amour, mon grand amour. Anne, vous êtes belle comme le jour. Je vous aime à la folie. Donnez-moi vos lèvres. Laissez-moi. Vous n'êtes pas Gilles. Comment ? Non, vous n'êtes pas Gilles. Vous ressemblez à Gilles. Vous avez pris la voix de Gilles. Mais Gilles ne dirait pas les choses que vous dites. Bon, admettons. Qui suis-je alors ? Oh, ce n'est pas difficile à trouver. Vous êtes celui qui est venu hier. Le diable, comme vous dites. Le démon, le malin. Puisqu'on ne peut rien vous cacher. À quoi pensez-vous donc, pauvre créature ? Je pense à une chanson que me chantait ma nourrice. Elle disait même que c'était les fées. Ah ! J'ai horreur des fées ! Je déteste ce genre d'histoire. Quand le cœur des deux amants partent en même temps... Si tu nous encore chanter cette chanson devant moi, je te change en statue de pierre. Même si vous me changez en vieille femme ou en serpent mort, qu'est-ce que cela pourrait faire, puisque mon amour resterait vivant. Son amour. Elle ose parler de son amour. Mais tu oublies, perfide créature, que tu as commis la faute, le péché. Si c'est une faute que de s'être abandonné à celui qu'on aime, je ne regrette pas de l'avoir commise. Vraiment ? Tu devrais avoir honte. Avoir honte ? Pourquoi ? Je ne sais même pas ce que c'est que la honte. La honte ? C'est ce qu'on cache. Si tu n'as pas honte de ton amour, pourquoi ne pas le crier sur les toits ? Habiter la ville ? Hein ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Alors quand on entend à la suite Jacques Prévert qui lit la fête dans laquelle il décrit la nuit où ses parents l'ont conçu comme étant un feu d'artifice et ensuite le diable qui se moque des fées, qui dit qu'il déteste les fées, le contraste est vraiment saisissant et vraiment évocateur en ce qui concerne ce film. Ici, l'arrivée du diable, c'est Jules Berry qui débarque et qui, on l'a entendu hein, dans la voix, remporte la mise. Toutes les images sont centrées autour de ce personnage qui donc va se faire passer pour Gilles. Mais Anne n'est pas du tout dupe. Au fond, Anne est vraiment le personnage qui s'en sort à chaque fois, qui a tout compris depuis le début, Daniel Gazilia-Lastar. Oui, et sa réaction est très spécifique de Prévert, de ce qu'on va retrouver là encore dans ses films et dans ses textes. C'est-à-dire que il s'en prend à tout langage stéréotypé, aux clichés, aux proverbes, à tout ce qui est comme ça fabriqué. Et les personnages qui parlent par idées reçues, par clichés, par stéréotypes, sont très souvent condamnés par lui. Et Anne, qui elle est la spontanéité même, qui dit ce qu'elle pense, eh bien, elle le démasque tout de suite. À partir du moment où il parle par cliché, ça ne peut pas être celui qu'elle aime, ça ne peut pas être Gilles. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est très bien montré à l'écran, parce qu'au fond, on a le personnage, c'est l'acteur qui joue Gilles, c'est-à-dire Alain Cuny, qui apparaît à l'écran avec sa propre voix, mais il change complètement de manière de jouer, de manière à ressembler à l'autre acteur qui joue le diable. Et à partir du moment où il est démasqué, en fait, là encore par un subterfuge qui paraît aujourd'hui assez amusant, eh bien l'image de Gilles disparaît et celle du diable apparaît à l'écran. Oui, absolument. Et puis, il y a aussi l'idée que toujours la société opprime l'amour et qu'il faut refuser finalement les conventions sociales pour s'en sortir, puisque quand le diable met au défi Anne de crier son amour sur les toits, eh bien elle va à la fenêtre et elle crie, voilà, écoutez tous, j'aime Gilles. Et c'est ce qui va être le plus scandaleux, c'est-à-dire qu'elle est surprise dans sa chambre avec Gilles et on emprisonne Gilles et elle, on l'enferme simplement dans sa chambre. Mais à partir du moment où elle crie son amour sur les toits, on la met elle aussi en prison et elle se retrouve enchaînée elle aussi, comme si c'était plus grave au fond de dire qu'on a fait ce qu'il ne faut pas faire dans une société très très oppressive. C'est plus grave que de le faire en fait. Et c'est qui le diable, vous pensez ? Le diable, ce sont tous les oppresseurs. Bon, en 1942, il est évident que les gens pensent à Hitler, pensent au nazisme. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin dans l'esprit de Prévert. Ce sont tous ceux qui gâchent la vie, tous ceux qui empêchent d'être heureux, tous ceux qui oppriment. Voilà, c'est très large. Mais il dans est, sa vision. Jacques Prévert est très fort dans sa peinture des personnages maléfiques, que ce soit le diable, là, c'est énorme, mais aussi dans les autres films dont nous parlons cette semaine, le méchant, le mauvais est toujours très très fin et très réussi. Oui, et puis Jules Berry dans Le Jour se lève aussi a presque le même rôle. Oui, il y a beaucoup de comme ça personnages terribles. Mais là, ce que je trouve vraiment incroyable dans l'extrait qu'on a vu, c'est que le diable, qui finalement incarne une morale, puisqu'il n'existe que grâce à la morale, il est complètement désarçonné par cette jeune femme qui tout tombe à plat, et à la fin, finalement, presque, justement, tout se retourne en lui disant, mais quand même, tout de même, et presque choqué. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, comme quoi c'est vraiment la liberté, je pense, des êtres est vraiment dans leur... c'est la puissance de ce que l'être peut être par lui-même. Et là, il n'y a aucune prise. Et c'est... parce que c'est la seule qui tient tête, oui. Qui tient tête au diable. Puisque ces deux créatures qui l'envoient, finalement, l'une est, ne peut jamais dire non. Et Gilles se retrouve quand même emprisonné et... Et elle est entièrement libre, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment d'intéressant entre la par rapport à la religion, puisque mon grand-père était très anticlérical, donc il y a quelque chose de très intéressant finalement, presque mis Dieu et le diable en fait sont presque, c'est très fort de. Mais d'ailleurs, le diable, non seulement est perdant dans ce film, mais surtout, il n'est pas contre Dieu. Il n'y a pas de Dieu dans ce film. Il y a un diable, mais il n'y a pas de Dieu, ce qui est intéressant. Mmh. Et celle qui gagne, en fait, ce sont les deux personnages féminins, non, on pourrait le dire comme ça. Mmh. Non, les deux amoureux. Ah non, Dominique, elle n'est pas gagnante. Dominique, c'est la créature du diable qui va le rester jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui a été coupé. Mais elle reste dans son rôle. Elle reste dans son rôle, mais elle n'est ni heureuse ni malheureuse. C'est une sorte de robot qui suit les ordres. Alors là aussi, on peut peut-être y voir aussi un lien avec l'actualité de l'époque. Et il y a quelque chose de très important qui avait été coupé dans le scénario, c'est que Gilles dit à un moment donné à Anne, c'est extraordinaire parce que mon cœur était mort et depuis que je t'aime, mon cœur se remet à battre. Et je pense que le cœur de Dominique est mort. Et elle ne ressent rien. Et c'est un personnage assez terrible, hein, froid, qui effectivement n'éprouve absolument rien, qui est complètement à l'opposé des amoureux. Et à l'opposé des rôles que Arletty interprète, oui, généralement. Oui, et qu'elle interprétera dans Les Enfants du Paradis. Que Prévert est fou d'Arletty, hein, si on en parlait hier, oui, Eugénie. Très très proche, très... une amitié très forte de... Et avec qui a une place, je pense, vraiment à part. Je pense que l'un et l'autre avaient une place à part. Donc Arletty a demandé à être enterrée avec un petit cœur que mon grand-père, il faisait des collages, des dessins, lui avait dessiné un petit cœur. J'ai entendu ça. Il avait demandé à être enterrée avec ce petit cœur. Que votre grand-père lui avait fabriqué. Oui. Je pense qu'elle... elle est à part, Arletty. C'est une femme complètement hors norme et qui peut là, quand même, incarner un personnage masculin et féminin à la fois. C'est quand même... il n'y a qu'elle avec la même grâce, la même décontraction. C'est une femme vraiment à part. Et qu'on retrouvera presque chaque jour de cette semaine dans les films dont nous parlons. On va retrouver Anne, donc c'est Marie Déa et non pas Arletty, qui cette fois-ci va devoir passer un pacte avec le diable pour libérer Gilles. Gilles est enfermé et le diable veut le garder enchaîné, mais il propose sa libération à condition qu'il perde sa mémoire. Et Anne va accepter cette perte de mémoire dans le but de lui redonner sa liberté. Et là encore, le dialogue qui suit, alors c'est vraiment quel plaisir d'entendre des dialogues écrits par Jacques Prévert, parce que chaque mot compte et chaque mot a sa musique. Et c'est encore le plaisir redoublé à la radio, je trouve, parce qu'on entend vraiment, on fait attention à la sonorité du texte et la voix des comédiens. Écoutez comment le thème qui revient, à quelque chose presque d'une réminiscence. C'est-à-dire qu'une fois que Gilles perd la mémoire et qu'il va retrouver Anne, il va redire, prononcer exactement les mêmes phrases qu'on a entendues au début du film et donc au début de l'émission, comme une boucle qui vient donner une sonorité poétique et rythmique au film. Vous êtes mienne maintenant et pour toujours? Non. Comment non? Vous avez promis? J'ai menti. Mais c'est pas possible. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas mentir. Pourtant, j'ai menti. C'est la vérité. Comment avez-vous osé? Tout est permis à ceux qui s'aiment. Pour sauver Gilles, j'aurais fait bien pire. Si tu persistes à parler ainsi, tu ne sais pas ce que je peux faire de toi. Faites de moi ce que vous voudrez. Et de grâce, laissez-moi retourner une dernière fois près de cette fontaine où j'ai été heureuse. Soit. Vous? Vraiment, c'est un heureux hasard qui m'a conduite ici. Vous êtes seule? Oui. Et ce vieil homme qui vous tenait compagnie, n'est plus là? Non. Mon plaisir en est plus grand. Vous avez soif? Comme cette eau est fraîche. Comme votre bouche est fraîche, elle aussi. Gilles! Ah. Mon amour. Je savais bien que je ne pouvais pas vous perdre. Ce sont les mêmes mots qui conduisent à une forme de réminiscence, à la découverte de ce qui a été. C'est en fait exactement ce qui se passe dans La Recherche du Temps Perdu de Marcel Proust. Exactement. On est d'accord, hein? Exactement, c'est vraiment un phénomène de souvenir involontaire comme on en trouve chez Proust. C'est-à-dire que le narrateur de La Recherche, c'est la Madeleine trempée dans le thé qui lui remémore un passé qu'il avait oublié. Ou d'autres sensations. Les pavés inégaux, etc. Voilà, qui vont ressusciter le passé. Et là, c'est la sensation aussi de l'eau fraîche, le baiser, hein, il l'embrasse, et puis la parole effectivement aussi prononcée. Enfin, tout finalement ressuscite cette mémoire perdue, et ça, c'est assez fantastique. Fantastique dans quel sens? C'est assez fantastique dans le sens que c'est à la fois du merveilleux et c'est possible aussi, puisque Proust raconte ces phénomènes de souvenirs involontaires en disant que les souvenirs retrouvés ainsi ont beaucoup plus de force. Et Prévert croit à la force du souvenir, hein, il le dit constamment, il dit que finalement les gens qu'il a aimés et qui sont morts ne sont pas vraiment morts parce que il s'en souvient. Il se les rappelle et il lui arrive même de parler avec eux. Et il dit c'est curieux, les gens comprennent pas qu'on puisse parler avec un mort. Donc il y a cette force, mais vraiment incroyable du souvenir qu'il a s'accomplit. Et c'est ce que fait le cinéma en plus, c'est qu'on voit devant nous des gens qui sont morts. Le cinéma, oui. Et puis aussi l'idée que le temps n'existe pas. Que le temps est très relatif, et c'est peut-être aussi ce que fait le film, c'est-à-dire que le film se situe au Moyen-Âge, mais il parle aux spectateurs de ce qu'ils vivent aussi au quotidien. Et il nous parle encore même aujourd'hui en 2018. Et encore aujourd'hui en 2018, parce que malheureusement des diables, il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Eugénie Bachelot-Prévert, votre grand-père parlait aux morts? Ben, je crois qu'il y a un texte d'Esnos qu'il a écrit, et puis Lettre à Boris. Il le dit dans une interview. Interview pour Desnos et Lettre à Boris, il a écrit après la mort de Boris Vian, où il parle d'Ursula. Ils étaient très voisins, très amis. Donc oui, je pense que même dans une chose par rapport au temps aussi, quand il parle justement du surréalisme, où il parle de Duchamp, qui peut le convoquer, que c'était d'une époque ancienne, mais s'il y pense, il peut être là, il est très loin, il est aux États-Unis, mais il peut être là, à côté de lui. Je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, de cet ordre. D'une abolition de la temporalité qui fait que, mort ou vivant, peu importe. Bah de puissance, peut-être. Ce que fait le film. Peut-être de puissance des émotions, en fait. Peut-être des émotions, des amitiés très fortes, des choses, et qui sont tellement ancrées, qui peuvent. Il y a des choses qui ne meurent pas. L'amitié qu'on a eue pour un être ou l'amour qu'on a eu pour un être, même si cet être disparaît, ça reste vivant. C'est ce que dit le film et c'est ce que dit la reprise de cette même phrase. En fait, c'est presque comme une poésie qui se réécrit avec des rimes qui reviennent et comme un refrain qui revient. Oui, comme une boucle. C'est très rare d'entendre une structure de film qui reprend ainsi. Et ça, Prévert et Carnel le font souvent aussi. Il y a plusieurs films qui se terminent de la même façon qu'ils ont commencé, comme si c'était une éternelle répétition et comme si, là encore, il y avait une forme de... comme une chanson ou un poème ou une comptine que l'on donnerait à voir à l'image. La boucle qu'on retrouve à la recherche du temps perdu, d'ailleurs. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure et ça se termine par dans le temps. Donc, je pense que Prévert aimait beaucoup Proust. Ses textes sont pleins de réminiscences proustiennes. Donc là, très évidemment, il y pense. Et ça, c'est Prévert plus que Carnet, vous dites, parce que c'est dur de savoir si Prévert écrivait tout. Carnet aimait Proust. Ça, je n'en ai aucune idée, mais je sais que Prévert avait une passion pour Proust. Simplement, Prévert suscite l'image, suscite constamment l'image. Il y a une très belle scène, la scène du tournoi, où on voit le tournoi dans la vasque de la fontaine, et on se dit c'est génial comme idée cinématographique. Et ça, Prévert l'avait trouvé. Et Carnet a l'intelligence de suivre le scénario aussi, parce qu'il pourrait dire il s'imagine que moi je pourrais pas trouver quelque chose et essayer de faire autre chose. Non, Carnet a l'intelligence de suivre ce que lui dit Prévert. Parce que quand Carnet parle de son travail, il parle d'un esprit non pas cartésien mais carnésien. Je crois très sincèrement que le film reflète un esprit français. Je crois que c'est un film qui serait impossible de faire ailleurs, mais on peut dire ça de beaucoup de films, même des films qui ne sont pas de très très grande qualité. Je ne sais pas, une espèce de clarté, d'équilibre, modération aussi. Enfin, l'esprit cartésien, quoi, comme on dit. Achard disait l'esprit carnésien, mais enfin, ça serait... Han, éloigne-toi de lui. Non. Rien ne pourra nous séparer désormais. Éloigne-toi de lui pour la dernière fois! Mon Pierre, vous entendez? Mon Pierre, vous serez changé. Ah, voilà bien le silence que j'aime. Le silence de mort. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce bruit? Et c'est leur cœur que j'entends. Leur cœur qui bat. Qui ne cesse de battre. Qui bat. Qui bat. Qui bat. Qui bat. Qui bat. Qui bat. Qui bat. Voilà comment rendre le diable fou. Celui-ci vient de changer en statue de pierre Gilléane, puisque leur amour a triomphé, et en s'approchant de leur statue, il entend le cœur qui bat. Vous disiez que pour vous, c'était l'amour qui triomphait dans ce film, Daniel Gazilian. Bien sûr, parce que pour Prévert, le cœur, c'est plus important que tout. Il n'arrête pas de dire dans ses textes qu'il faut privilégier le cœur au détriment du cerveau. Il y a un très beau texte sur Picasso qui se termine en disant « Ils abandonnent la tête sur le tapis » et puis c'est le cœur qui reste. Et ce texte fait référence très précisément à un autre texte de Prévert dont j'ai parlé tout à l'heure, de 1936. La crosse en l'air. À la fin de la crosse en l'air, c'est le cœur de la révolution qui ne cesse de battre, et on a presque les mêmes mots. Prévert écrit le cœur de la révolution qui bat, qui bat, qui bat, qui ne cesse de battre, que rien ne peut empêcher de battre, d'abattre, qui bat, qui bat, qui bat. Et vous voyez, il y a vraiment un écho de ce texte. Alors que ce soit un symbole de la résistance, ce cœur qui bat, pourquoi pas, et beaucoup de critiques l'ont vu ainsi, mais que ce soit la victoire de l'amour, que reste-t-il de l'amour sans le corps? Vous disiez à l'instant, Eugénie Bachelet-Prévert, l'importance du corps et de la sensualité dans l'amour pour Prévert. Un cœur qui bat dans une statue en pierre, il reste pas grand-chose de l'amour. Il reste l'essence tout de même de l'amour. Est-ce que c'est la vision que Prévert se faisait de l'amour? Qu'en pensez-vous, Eugénie? Je pense que c'est une image, et c'est surtout que jusqu'à la fin, Ils appartiennent pas au diable, ils s'appartiennent à eux et ils choisissent d'être changés en statut plutôt que d'être séparés. C'est comme aussi une chose très romantique et ils se laissent pas faire par le diable ou. Mais ils deviennent enfermés dans la pierre. Non, ils sont pas enfermés puisque leur cœur continue à battre, donc je pense qu'ils vont s'envoler. Puis il y a le songe aussi, il y a un tas de choses. Et je crois que Prévert croit à l'éternité de l'amour. Il y croit, il a tout de même travaillé avec, enfin plus tard, il a travaillé avec Cayatte aux Amants de Vérone, où il va reprendre d'une façon modernisée l'histoire de Roméo et Juliette. Et puis encore un peu plus tard, il va écrire un sketch pour Michel Boiron dans Les Amours Célèbres, où il va raconter l'histoire d'Agnès Bernauer, qui à la fin est noyée parce que elle a épousé un fils de roi et que ça se fait pas au Moyen-Âge. C'est une histoire qui se situe aussi au Moyen-Âge, et son fiancé va la rejoindre dans la mort. Et ça, donc, c'est quelque chose qui est très fréquent, l'éternité de l'amour, bien alors, au-delà de, même de la mort. Le débat reste ouvert, gardons-le ouvert. Préférez-vous avoir un cœur qui bat dans une statue de pierre ou bien rester libre en chair et en os, mais avec un cœur qui bat moins fort? À vous, chers auditeurs, de répondre. On se quitte en chanson. Les frères Jacques qui chantent la page d'écriture de Jacques Prévert. Moi je joue du piano, disait l'un. Moi je joue du violon, disait l'autre. Moi de la, moi du banjo. Moi du violoncelle. Moi du biniou. Moi de la flûte. Et moi de la crécelle. Et les uns et les autres parlaient de ce qu'ils jouaient. On n'entendait pas la musique. Tout le monde parlait, personne ne jouait. Mais dans un coin, un homme se taisait. Et de quel instrument jouez-vous, monsieur, qui vous taisez? Et qui ne dit rien, lui demandèrent les musiciens. Moi, je joue de l'orgue de Barbarie. Et je joue du couteau aussi. Dit l'homme qui jusqu'ici n'avait absolument rien dit. Et puis il s'avança le couteau à la main. Il plut à tous les musiciens. Et il joua de l'orgue de Barbarie. Et sa musique était si vraie, si vivante et si jolie, que la petite fille du maître de la maison sortit de dessous le piano. Endormi par l'ennui. Et elle dit. Merci beaucoup Eugénie Bachelot-Prévert et Daniel Geyslia Laster d'être venus nous parler de ce film aujourd'hui, Les Visiteurs du Soir, de nous avoir donné envie de le découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu, de le revoir pour ceux qui l'ont déjà vu et peut-être seraient passés à côté. Je rappelle Daniel Geyslia Laster que vous êtes co-responsable de l'édition des œuvres complètes de Jacques Prévert dans la bibliothèque de la Pléiade, et Eugénie Bachelot-Prévert, vous êtes artiste, vous êtes aussi la petite fille de Jacques Prévert et l'unique ayant droit de son œuvre. Merci d'être venue aujourd'hui. Merci. C'est fini, je veux jouer à l'assassin. Je veux jouer de l'orgue de Barbarie. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia et bonne année à vous. Bonne année Adèle et bonne année à tous. Les débuts d'année, vous le savez comme moi, sont toujours l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Ici, dans le journal de la philo, nous avons décidé, qu'il est commode parfois ce nous de modestie, n'est-ce pas? Nous avons décidé donc de mettre la barre très haut. Pas de petites résolutions du type moins sortir, lire plus de livres, se remettre ou tout simplement se mettre au sport, tenir un journal, arrêter la cigarette. Non, non. Cette année, nous avons décidé de nous attaquer au cœur du problème, travailler sur notre intériorité. Pour cela, nous nous sommes tournés vers les sept péchés capitaux. Les sept péchés capitaux ne descendent pas du ciel, ils ne sont pas révélés, ils ont une histoire. Ils s'inscrivent en fait dans la grande chronique de la spiritualité antique puis chrétienne. Plus exactement, ils trouvent leur source dans ce département de la théologie qu'on appelle la doctrine ascétique. Tout commence au début du IVe siècle. L'Empire se convertit à l'Église qui l'a persécutée. Craignant un recul de la foi, des hommes et des femmes partent au désert. Ils veulent continuer à être des martyrs, c'est-à-dire littéralement des témoins. Ils veulent vivre dans la solitude et la nudité pour combattre le diable et gagner la vision de Dieu. Ce sont les premiers moines qui s'installent d'abord dans les Thébaïdes d'Égypte. Parmi eux venu des rivages de la mer Noire, figure un grand intellectuel. Il se nomme Évagre le Pontique. Né en 349, mort en 399, il va codifier la psychologie du désert. Puisant d'un côté chez les stoïciens, enquêtant d'un autre côté auprès des ermites, il entreprend de systématiser la discipline de vie qui permet de s'affranchir des passions. En fait, il compose un véritable traité de la déprogrammation. Le moine doit se libérer de son état biologique, affectif, social. Mais pour cela, il lui faut vaincre les pensées qui l'enchaînent au monde. Le théâtre de son combat est intérieur. Comment atteindre la paix, indispensable à la contemplation, alors que toutes sortes de pensées, d'images, de désirs l'assaillent et le tourmentent? S'il a peu d'occasions concrètes de pécher, c'est-à-dire de se rater, selon l'étymologie du mot, le moine se confronte en permanence aux fantasmes qui font de lui, potentiellement, un possédé. Ce sont ces pensées dévorantes qu'Évagre classifie. Il le fait en grec. Son disciple Jean Cassien, qui va fonder le monachisme en Provence, en donne une version latine. Tous deux en dénombrent 8. Ce sont des modes de tentation capitaux, en tant qu'ils sont à la tête, à la source, à la racine de toutes les formes possibles de chute auxquelles tend l'ego. Ces 8 pensées, Évagre et Cassien ensuite les classent selon 2 ordres. Le premier concerne la partie dite « concupiscible de l'âme », autrement dit, les passions de l'avoir. Le second ordre, la partie dite « irascible de l'âme », autrement dit, les passions de l'être. Les 4 pensées de possession sont ainsi. La gastrimargia, la gloutonnerie, la porneia, ou fornication en latin, la luxure, la philarguria, l'avarice, la kinodoxia, la vaine gloire. Quant aux 4 pensées de domination, ce sont l'orgueil, ira en latin, la colère, la loupé, tristitia en latin, la tristesse, l'acédia, la sédie, la dépression, et enfin l'hyperéphania, super bien en latin, l'orgueil. Les affronter et les maîtriser correspond originellement à une pratique de l'éveil spirituel. Mais en Occident, cette classification va prendre une signification plus morale. La liste va également varier sous l'impulsion du pape Grégoire le Grand à la fin du VIe siècle. L'orgueil absorbe la vaine gloire et la tristesse la sédie, tandis que s'ajoute l'envie. De 8, les passions majeures passent à 7, chiffre symbolique s'il en est. 6 siècles plus tard, Thomas d'Aquin arrête la nomenclature définitive des 7 péchés capitaux qui représentent aussi bien désormais 7 vices fondamentaux. L'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Il s'oppose aux 7 vertus fondamentales, les 3 théologales qui relèvent de la grâce, la foi, l'espérance et la charité, et les 4 cardinales qui relèvent du mérite, la justice, la prudence, la tempérance et le courage. C'est cette conception que canonise le Concile de Trente lors de la contre-réforme au XVIe siècle et que reprend le Catéchisme universel de l'Église catholique, publié par le pape Jean-Paul II en 1997. On peut et on doit cependant regretter que l'ascédie ait disparu au passage. Or, pour Évagre, il s'agit du danger majeur qui guette le moine. De plus, la description qu'il en donne s'apparente à la définition des accès maniaco-dépressifs qu'on trouve dans les manuels de psychiatrie moderne. Que l'Occident ait oublié la mélancolie ne laisse pas d'étonner. Elle est pourtant, selon Évagre, la cause la plus répandue du péché, et le plus souvent son salaire. Mais elle est aussi à la source de la création littéraire et artistique. Ainsi, ce qu'Évagre ne pouvait suspecter, c'est que sa théorie allait non seulement hanter l'imaginaire européen, déterminer la morale individuelle, mais encore susciter une foultitude de récits romanesques et de représentations picturales qui ont moins libéré notre psyché qu'elles ne l'ont conformée. C'est l'enquête que nous vous proposons sur ces 7 épisodes du Journal de la Philo, un épisode par péché capital, avec l'aide précieuse de Benjamin Oliven. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Isis Jourda qui m'a aidé à préparer cette émission avec Marie Simon, Sharon Houry, Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Pierre Montagne à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée au cinéma de Marcel Carnet avec Jacques Prévert. Demain, nous serons en compagnie de Christophe Gauthier pour évoquer le film Le jour se lève, sorti en 1939. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Et c'est comme l'an dernier, comme en 2018, vous pouvez tout réécouter en ligne ou bien télécharger, podcaster chaque émission pour les écouter où vous voulez, quand vous voulez et pour une durée illimitée. On se retrouve également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. Allez, on se retrouve demain à 10h pour la suite de cette série sur Carnet et Prévert. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.